Le comité préparatoire hongrois pour la journée du soleil a inséré dans son homepage d'internet l'histoire abrégée des activités révolutionnaires du président Kim Il-sung et l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple.